donne. Je garderai la même parole. Les paroles. Oh mon Dieu, écoute-moi car j'ai perdu du monde. Ya Rabbi, je suis seul et j'ai peur du nombre. J'ai toujours cette impression de vouloir me libérer. Je voulais voir de l'intérieur, on m'a dit viens opérer. Oh Seigneur, libère-moi de ce que je vois dans ce monde. Ya Rabbi, je pleure le soir dès qu'il n'y a plus personne. J'ai perdu un être cher qui m'a rendu si pauvre. Mais le combat de la vie me pousse à rester si fort. Excuse-moi si j'ai fui, je reconnais mes torts. Sache que les larmes de les réveils, c'est elles qui remplissent mon bol. Toutes les erreurs que j'essuie, je sais qu'elles reviennent encore. J'avance avec une entorse, tant même relève encore. Tôt j'ai dû lâcher l'école et non, ce n'est pas un exemple. C'est où j'ai laissé ma bombe d'emdoler sur un sample. Oh mon frère, loin de toi, ouais la rue c'est bizarre. Comme dans ce milieu, il y a du sale, un gros big up à Missa. On vient lâcher le message, ici l'enfant du pays. Et je crois que les lois ont été faites pour qu'on y désobéisse. Excusez-moi si dans ce texte tu ressens la souffrance. L'instru, le médicament et mes écrits, l'ambulance. Je garderai la même parole. Ma parole avec la crainte de changer. Excuse-moi mon Dieu, je vois que tout le monde veut se venger. Le travail ou les congés, la vie de famille, etc. On fait les tortues ninja, on sait que le patron c'est un rat. Le but c'est de ne pas lâcher, je pense au travail à la chaîne. Ceux qui se lèvent pour une usine, ceux qui montent sans une échelle. Aux enfants de cette planète, puis ces travailleurs honnêtes. Aux anciens qui sont perdus dans l'état moderne. Pas le temps de voir la queue, oh mon Dieu je perds la boule. J'ai envie de regarder les gens mais je vois que tout le monde porte la cagoule. Non c'est pas les sacs cartoon, c'est encore mieux animé que ça. Et les monstres et compagnie sont pas les mêmes que la madrasa. On a des mots qui servent à cela. Et ça s'arrêtera un jour, dès qu'on est sorti du ventre, débute le compte à rebours. Oh mon Dieu, excuse-moi, c'est un peu aussi de ma faute. Est-ce que viser les étoiles, ce n'est que pour les astronautes? Libérez-moi de ces menottes. Mets-toi devant, y'a plus personne sur les terrains. Ils sont tous bloqués à FIFA. Si on parlait de réseau, je crois qu'il n'y a plus de connexion. Un pote qui tombe amoureux, me fait que l'amour par téléphone. Putain, on a des mots. On écrit, on rappe. Bam. Boum. Nouvel album.